j'm'en bats les couilles. En fait, c'est ça la vérité. J'reprends ma fouille. Dehors, la haise vient mériter. Viens visiter. Chez nous, pas de gros meubles, pas de grosse télé. On prend les cafards dans le mouchoir. Et moi j'ai trop le seum depuis que j'suis né. Y'a que le diable qui me laisse des pourboires. Tiens la putain de ta mère. Tu veux savoir où j'te pèse? Pour un putain de salaire. J'laisse pas une pièce pour tes fesses. Tu veux de la punch, juste ma bite. J'rappe ma vie, pas celle de ces bitches. Sans déconner, j'ai le cerveau vide. Les yeux vides, le compte vide, le cœur vide. J'en transmis avec du son. J'partirai seul en balade. Juste du terre et des feuilles. Et j'traîne seul sur Paname. Dans le joli voie blanc, j'suis seul à ouais sa mère. Des fois j'rêve de la mer. Et j'traîne seul sur Paname. J'ai pas l'air dans ma vie. J'veux pas leur compagnie. J'veux pas de cette vie banale. Sur Paname. Eh mon oncle, tu te rappelles à bébé. 7 sur 7, tout l'hiver sur Paname. J'roule et j'les vois pas. J'coule et j'm'endors. J'cours après ma porte. J'casse un tournant des hommes, je fais une OD. Que du bon char depuis que j'suis en âge de monter. On les met au frais, on raccroche. Le bruit du giro nous rappelle que le chétan nous attend, franchir le V, 300 tractions, smoke inter ego, j'ai des ailes. Wesh le dada, on tombe c'était pas on s'adapte. C'est une dada, ça paye papa, c'est rep tata. Dis-moi t'étais où quand j'faisais la guerre. J'pète une axe, mon place, fais le tour de la terre. La haine qui nous catapulte, j'pète Navajo, pas ta pute. J'fais P2 à Casper. Quand ça pue, ben je casse ma puce. Le pocheton fait la soirée. Cette tasse me fait la soirée. On sait qu'ils nous aiment pas, ils savent qu'on les pêche. Je compte le PNF sur le bout de Gilles Lopez. Ces bâtards sont bien loin dans nos pieds. Chacun son PNF, chacun son revêt. Les mains froides contre tous ces billets. PNL plutôt crié. Ils ont chaud canon scié. Et j'traîne seul sur Paname. Dans le volume, faut un plan. J'suis seul à ouais sa mère. Des fois j'rêve de la mer. Et j'traîne seul sur Paname. J'veux pas l'air dans ma vie. J'veux pas leur compagnie. J'veux pas de cette vie banale. Sur Paname. Eh mon oncle, tu te rappelles à bébé. 7 sur 7, tout l'hiver sur Paname. J'roule et j'les vois pas. J'coule et j'm'adapte. J'cours après mon pas.